Deux jours après avoir traversé la mer de Corail, le 4 janvier, nous eûmes connaissance des côtes de la Papouasie. À cette occasion, le capitaine Nemo m'apprit que son intention était de gagner l'océan Indien par le détroit de Torrès. Sa communication se borna là. Ned vit avec plaisir que cette route le rapprochait des côtes européennes. Le Nautilus se présenta donc à l'entrée du plus dangereux détroit du globe, de celui que les plus hardis navigateurs osent à peine franchir. Le Nautilus lui-même, supérieur à tous les dangers de la mer, allait, cependant, faire connaissance avec les récifs coralliens. Le détroit de Torrès a environ 34 lieues de large, mais il est obstrué par une innombrable quantité d'îles, d'îlots, de brisants, de rochers, qui rendent sa navigation presque impraticable. En conséquence, le capitaine Nemo prit toutes les précautions voulues pour le traverser. Autour du Nautilus, la mer bouillonnait avec furie. Le courant des flots, qui portait du sud-est au nord-ouest, avec une vitesse de 2 miles et demi, se brisait sur les coraux, dont la tête émergeait çà et là. Il était alors 3 heures après-midi, quand soudain un choc me renversa. Le Nautilus venait toucher contre un écueil. Il demeura immobile, donnant une légère gîte sur bâbord. Quand je me relevais, j'aperçus sur la plateforme le capitaine Nemo et son second. Ils examinaient la situation du navire, échangeant quelques mots dans leur incompréhensible idiome. Le navire n'avait aucunement souffert, tant sa coque était solidement liée. Mais s'il ne pouvait ni couler, ni s'ouvrir, il risquait fort d'être là, à jamais, attaché sur ses écueils. Et alors, ça n'était fait de l'appareil sous-marin du capitaine Nemo. « Un accident ? » dis-je au capitaine. « Non, un incident, » me répondit-il. « Mais un incident, » répliquai-je, « qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de ces terres que vous fuyez. » Le capitaine Nemo me regarda d'un air singulier et fit un geste négatif. C'était me dire assez clairement que rien ne le forcerait jamais à remettre les pieds sur un continent. Puis je dis, « D'ailleurs, monsieur Aronnax, le Nautilus n'est pas en perdition. Il vous transportera encore au milieu des merveilles de l'océan. » Les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, mais au détroit de Torrès, on trouve encore une différence d'un mètre et demi entre le niveau des hautes et basses mers. C'est aujourd'hui le 4 janvier, et dans 5 jours, la pleine lune. Or, je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ses masses d'eau et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul. Cela dit, le capitaine Nemo, suivi de son second, redescendit à l'intérieur du Nautilus. « Eh bien, monsieur, me dit Ned Land, qui vint à moi après le départ du capitaine. Eh bien, ami Ned, nous attendons tranquillement la marée du 9, car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot. Tout simplement, puisque la marée suffira. Monsieur, répliqua-t-il, vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais, ni sur ni sous les mers. Il n'est bon qu'à vendre poids. Je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo. Ami Ned, je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus, et dans 4 jours, nous saurons à quoi nous en tenir sur les marées du Pacifique. D'ailleurs, le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence. Mais dans les parages de la Papouasie, c'est autre chose. Il sera toujours temps d'en venir à cette extrémité si le Nautilus ne parvient pas à se relever, ce que je regarderai comme un événement grave. « Mais ne serait-on tâté au moins de ce terrain ?» reprit Ned Land. « Voilà une île. Sur cette île, il y a des arbres. Sous ces arbres, des animaux terrestres, des porteurs de côtelettes et de rosbif, auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents. » Ici, l'ami Ned a raison, dit Conseil, et je me range à son avis. Monsieur ne pourrait-il obtenir de son ami le capitaine Nemo de nous transporter à terre, ne fût-ce que pour ne pas perdre l'habitude de fouler du pied les parties solides de notre planète? Je peux lui demander, mais il refusera. Comme monsieur se risque, dit Conseil, et nous saurons à quoi nous en tenir sur l'amabilité du capitaine.